Prenez le livre là, sur la table. Pardon ? Prenez le livre qui est sur la table. Prenez la lettre là, dans le tiroir. Pardon ? Prenez la lettre qui est dans le tiroir. Prenez la veste là, sur la chaise. Pardon ? Prenez la veste qui est sur la chaise. Prenez la chaise là, près du bureau. Pardon ? Prenez la chaise qui est près du bureau. Prenez les clés là, sur l'étagère. Pardon ? Prenez les clés qui sont sur l'étagère.